Donc, de retour, deuxième partie. Louis? Oui, monsieur. Oui, Oh, monsieur. oui, monsieur. On a passé à travers un gros morceau avec l'album de Kendrick, puis là, on passe à travers un autre gros morceau avec Oyasumi Punpun, Pun, la suggestion que je t'ai faite, un manga de Inyo Asano, ou Asano Inyo, peu importe, y en a un que c'est le nom de famille, ils disent avant maintenant, Ouais. en japonais. C'est un manga de 13 volumes, à peu près 3000 pages. Grosso modo, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai suggéré ça comme. Ah, je crois bien que c'est parce que c'est quelque chose qui avait suscité en toi toutes sortes de choses dans la période où tu l'avais lu. Pas entièrement, je pense. Ouais, j'avais lu les 12 premiers volumes, je crois. Et quand je t'ai rendu à lire le dernier, t'es pas encore sorti, t'es pas encore Comme en disponible. 2012 à peu près, Ouais, là. à peu près. Ouais. Et il s'est repassé dans mon champ de vision, à un moment donné sur Internet, je me suis dit, ah, on va lire ça. On va revenir là-dessus, ouais. Ben, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tu m'as sorti de ma zone de confort. Ça, c'est garanti. Non seulement je suis pas un grand lecteur tout court, voire assez peu. Les bandes dessinées japonaises, je peux clairement dire que je n'en ai jamais lu une dans son entièreté. Puis là, je parle autant que ce soit les plus populaires comme One Piece ou Berserk, ou Berserk qui est un classique, n'importe quoi, mais aussi des œuvres plus indépendantes qui s'échelonnent sur des volumes multiples comme ça. Je veux dire, c'était juste pas du tout un terrain familier pour moi, là. Donc, pour ça, en soi, je suis reconnaissant d'avoir fait ce contact-là. Voilà. Les mangas, c'est aussi quelque chose qu'on lit de droite à gauche. Donc les panneaux, ça nécessite une certaine période d'adaptation au début pour être capable de lire une page naturellement. Pas tant que ça, je me Le truc qui est drôle, c'est que tu en lis quelques-uns, après ça, dirais. tu vas lire une BD ordinaire, Ah! puis il faut que tu te réadaptes. Tu vas chercher ça, ouais. Donc, Oyasumi Punpun, qui veut dire essentiellement Bonne nuit Punpun, sa traduction française est existante, c'est trouvable. Je ne sais pas c'est quoi la compagnie qui l'a distribué, mais récemment, il y a une traduction américaine qui est sortie, Good Night Punpun. Punpun, qui est le nom du personnage principal, entre guillemets, parce que c'est en fait un onomatopée. Ah oui, ok. Ouais. Juste pour dire, on va rentrer dans le détail plus tard. J'étais peut-être tombé sur mon radar une autre fois parce que ça vient de finir d'être édité en version En américaine, version anglais. anglaise. Viz Media, qui fait la distribution, a fait une nouvelle traduction. Celle que j'ai lue avec Louis, c'est une traduction amateur qui est disponible sur Internet. On vous dira pas où, mais c'est possible de la trouver. Elle fait des choses différentes que la traduction officielle, mais la traduction officielle est quand même assez solide, je pense, pour avoir regardé quelques chapitres au Indigo Chapters, au Ou je centre-ville. dirais plutôt l'inverse, aussi la traduction amateur était tout à fait compréhensible, intelligible, elle traduisait les émotions lorsque ça avait lieu, puis c'était très convenable aussi, là. Ouais. Donc, Oyasumi Punpun, c'est l'histoire de un jeune garçon. Jeune garçon, Ça ouais. commence il y a 11 ans. C'est un jeune garçon gêné qui a quelques amis et qui tombe en amour avec la nouvelle fille dans sa classe, nouvelle venue. Le truc, c'est que, eh bien, Punpun et sa famille ne sont pas dessinés comme des êtres humains normaux. Tout le monde autour de lui ont l'air d'une personne, dessiné de manière quand même assez réaliste. Lui et sa famille ont l'air d'être des petits oiseaux. Des petits. C'est Des con. petits gribouillis, un peu presque, là. Des petits gribouillis. Certains les compare à des genres de biscuits en forme de doigt qu'on peut acheter au Japon, apparemment. Blanc. Très simple. Et parfois aussi le trait frustre. Donc, pas Un propre. peu brouillon, Ouais. là. Ouais, c'est ça. Qui s'inscrit au... C'est ça. En contraste immédiat avec des figures qu'on retrouverait dans n'importe quelle œuvre du genre, j'imagine. Et des décors assez photoréalistes, Tout à fait. parce que d'ailleurs, le mangaka, le gars qui dessine, prend des photos pour faire les décors et les redessine par-dessus un peu pour être sûr d'avoir la touche, mais c'est un contraste très fort. Il y a de la modélisation 3D aussi qui est employée. Ouais, mais pour les intérieurs. C'est ça, c'est ça. Faut aussi remarquer que le personnage de Punpun ne parle jamais directement. Dans les premiers chapitres, voire les premiers volumes, il n'y a même pas de parenthèse, de guillemets pour indiquer qu'il parle. C'est toujours fait à travers un narrateur. Ben, un narrateur, mais un panneau. Comment on appelle ça, les panneaux? Un intertitre? Tu sais mieux que moi. J'ai pas trouvé exactement, mais on va dire un intertitre. Je vais faire ça un panneau personnellement, mais... Ouais, un panneau indépendant où c'est écrit souvent blanc sur noir. Ouais. Punpun fait ci, Punpun pense de cette manière. C'est une figure, je veux dire, constante au fil de l'ensemble de l'œuvre, et donc on sait toujours, lorsqu'on regarde ça, ou à peu près, que c'est une voix, c'est une narration intérieure, ou une, tout ça. C'est ça. C'est traité différemment que l'entièreté du dialogue, que le reste du dialogue. Ou que tous les autres personnages, ouais, en grande partie. Donc, dès le départ, c'était assez original. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ah, c'est sûr que sur le coup, ça... Ben, je pense, après avoir fait un peu de recherche, c'est que c'est un récit qui donne l'impression de s'inscrire dans le genre slice of life, un peu, qui est comme un sous-genre de manga japonais qui... Des petites histoires quotidiennes, ou souvent des histoires de jeunesse, de jeunes personnages qui arrivent à maturité, ou quoi que ce soit. Mais... avec cet élément accrocheur-là, ça donne une impression de légèreté, une impression de liberté, parce qu'il y a, assez rapidement un traitement surprenant, un traitement graphique surprenant, par exemple des fonds avec des motifs à poids, des explosions visuelles pour visualiser l'intérieur l'intériorité du personnage. C'est très accrocheur lors de la lecture des deux premiers volumes, par exemple. Immédiatement, on a envie de voir où va nous apporter ce traitement graphique-là. Puis, la timidité du personnage aussi a quelque chose d'attachant, à savoir qu'on comprend assez rapidement les difficultés de ce personnage-là dans ses interactions avec ses petits amis. Puis, ben, on a le goût de le voir se sortir de là. Ça suscite un intérêt. Un certain engagement de la part de l'acteur. Ouais, surtout que, comme on l'a mentionné, l'apport abstrait du dessin, ouais, ça fait qu'on peut plus facilement s'identifier au personnage. On peut projeter nos propres émotions, ouais, dessus, on peut projeter notre propre personne. Il n'y a pas de visage. On peut essentiellement lui prêter les expressions qu'il veut. Oui, il y a des variations dans ses réactions et ainsi de suite, mais il y a une part très très libre. C'est un peu comme si c'était si les choses étaient vues d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire on verrait pas le visage, puis on peut superposer ce qu'on veut. Donc les premiers volumes, chaque volume contient à peu près 250 pages. Les quelques premiers volumes sont dédiés à l'enfance de Punpun, mais l'enfance, le genre de préadolescence, ça commence il y a 11 ans, ça se suit pendant ce qui serait pour nous sa sixième année d'école, sixième année primaire. Il tombe en amour avec la nouvelle fille de sa classe, Aiko Tanaka, ou Tanaka Aiko. Il s'en suit des péripéties En fait, on va le mentionner tout de suite, ouais. C'est très... Le manga commence de manière très cute, légère, comique, il y a peu d'images sombres, des lignes claires. Mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, dès le premier chapitre, ça prend une tournure obscure. Mm-hmm. Parce qu'il y a des images de violence conjugale. Ouais, tout à fait. Premier signe de ça, ça suscite d'ailleurs l'intérêt de où est-ce que ça va se rendre tout ça, parce que la scène de violence conjugale dont tu parles, entre les parents de Punpun, n'est pas vue. Elle est hors champ, elle est entendue, elle est devinée, mais il y a une part de d'illusion là-dedans. Mm-hmm. Donc, oh, ok, est-ce que ça va nous amener ailleurs, sur un territoire plus sombre? Ça sème le doute. Ça sème le doute, mais ça prépare aussi, ouais, le terrain pour ce qui s'en vient plus tard. Qui ne va pas décevoir sur le plan de l'assombrissement, disons. Exactement. Je pense qu'il faut le mentionner tout de suite. Le mangaka voulait présenter le manga comme étant quelque chose de cute, comme étant justement le genre slice of life, ouais, pour un peu appâter ses lecteurs pour leur présenter des choses qui frappent. Et ça fonctionne. L'intérêt dont que je décris là, ça fonctionne, ça opère. Mais ça fait que moi, je ressens le besoin de présenter un trigger warning. Ouais, un avertissement de gâchette. Contenu. Avertissement de gâchette. Ouais. Un avertissement de contenu. Parce que Oyasumi Punpun, ça parle de trucs assez sombres, comme la dépression, comme les pensées suicidaires, comme la violence conjugale, qu'on l'a mentionné juste là, et aussi la violence sexuelle. C'est durant pas mal toute la série, à part les, mettons, trois premiers volumes, ça approche ça de manière candide, de manière intime. Mm-hmm. T'es en contact avec le fond des personnages souvent. Ça peut être potentiellement troublant pour les gens qui ne s'y attendent pas. Mm-hmm. Je pense que c'est important de le mentionner immédiatement. Je pense que maintenant que vous savez ça, je pense que c'est important d'aller le lire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Louis, que avant qu'on s'embarque dans la discussion à propos de Punpun, est-ce qu'on peut faire la suggestion de dire aux gens, allez le lire ou est-ce que c'est implicite? Je pense que c'est une œuvre forte. Peu importe ce qu'on s'apprête à en dire, une œuvre dense, complexe, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire et à penser. Et puis, pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas initié, ça pourrait être le dernier manga que je lis, puis je pense que je pourrais au moins dire que j'ai été en contact avec quelque chose de mémorable. C'est ça, quelque chose de qualité, en fait. Ouais. Parce que ça pourrait être mémorable, mais tu sais, Dragon Ball, des fois, c'est mémorable. Hein? Ah, tout à fait. Une grosse boule, il y a peut-être une planète. C'est pas tout ça, les bandes dessinées japonaises. Non, parce que malgré tout, il y a comme des distinctions entre les types de magazines dans lesquels ça se retrouve. Ouais. Yasumi Punpun se retrouve dans un magazine de type Seinen, ouais. S-E-I-N-E-N, dans son Romaji. Romaji, anyway. Ça veut dire jeune adulte. C'est ça. Ça s'adresse à autre chose qu'à des jeunes, des petit garçon, essentiellement. Ouais. Ouais. C'est aussi des thèmes... La plupart des seinen vont parler de thèmes plus sombres et aussi de moralité moins claire. Mm-hmm. Ouais. Ce qu'on se retrouve dedans assez rapidement avec Punpun. Donc, le centre de l'histoire, c'est justement cette espèce d'histoire d'amour-là. Penses-tu qu'on devrait rentrer là-dedans? Ah ouais, parce que le récit commence avec ça. C'est tout de suite... l'émotion très très forte que suscite l'arrivée de la jeune Aiko dans sa classe, donc c'est le point de départ, c'est tout à fait approprié d'en parler tout de suite, oui. C'est ça. Donc, pour revenir où ce qu'on était avant qu'on fasse cette espèce de grosse parenthèse-là, Aiko, la nouvelle fille de l'école, le prof donne un devoir, qu'est-ce que vous voulez être plus tard dans votre vie, pour ne pas arriver chez lui pour faire son devoir, scène de violence conjugale. Il ne peut pas aller à l'école la journée d'après parce qu'il passe son temps au poste de police, interrogé par des policiers. On peut préciser la scène en question, c'est qu'il se lève le matin, sa mère se retrouve avec une grosse bosse sur la tête, sur le plancher, et son père dit « Il y a un voleur qui est rentré chez nous, calme-toi, c'est correct. » Est-ce que tu me crois, hein? Ouais, c'est ça. Tu me crois? Ouais, c'est ça. Évidemment, on a nos soupçons. Et puis... s'en suivront toutes sortes de révélations. Donc, tout de suite après ça vient l'entrée du un personnage secondaire assez important, l'oncle de Punpun, ouais. Yuichi, qui est lui aussi dessiné en tant que petit oiseau simple, ouais. Sauf avec des lunettes puis une tuque. Ah ouais. À ce moment-là, c'est un fin vingtaine, il a 28 ans à peu près, ou début trentaine, je suis plus sûr. Oui, il ne travaille pas et il est célibataire. Ouais. De toute façon, c'est très... de caractère dominant. Il arrive là, il est très disponible pour prendre la place du père et être présent dans la famille quand ils en ont besoin. Exactement. Puis c'est quelque chose aussi, c'est un terme spécifique, ouais. un freeter. Freeter, ouais. Quelqu'un qui vit de manière, pas libre, mais plutôt de manière gratuite sur le dos de la société. Ouais. Quelque chose qui est mal vu au Japon. Parce qu'il devrait contribuer. C'est ça. Par sa non-contribution, c'est un poids. Mmh. Ouais, y a des devoirs envers la société. D'après... J'imagine d'après le Zeitgeist. la mentalité dominante. La doxa. Ouais. Pour utiliser des termes qui me font paraître plus intelligent. Ah, ouais, ouais. Donc, après cet épisode-là, Punpun arrive à l'école, puis il se fait demander qu'est-ce que tu veux être plus tard dans ta vie. Lui, c'était. Tu vois, c'est ça le problème avec essayer de raconter ça, c'est qu'on en saute des bouts. Ah, ben c'est sûr, ça va être nécessaire d'en sauter des bouts. Ouais. C'est qu'il s'était un peu fait la promesse où il s'était fait le scénario qu'il allait déclamer à la classe, qu'il allait devenir un explorateur spatial, coloniser des planètes. Tout ça. Dans le but d'impressionner. Exactement, à la lumière d'une conversation qu'il avait eue avec Aiko. Et puis donc, ça donnerait l'impression que c'est quelqu'un qui aspire à grand, qui a beaucoup d'ambition, puis qui est un rêveur aussi, en partie. T'sais. Et puis, au final, au moment de vérité, de faire son exposé... Il est pris d'anxiété. Ouais. Soudainement, s'il arrive sur les gens, rien de moi. Il trouvait que mon idée était conne. Ouais. Et ce qu'il dit, c'est « Je vais être une personne normale avec une famille normale. » Exactement. Il se sauve de la classe. Là, toute la classe commence à essayer d'aller le trouver. Finalement, c'est Aiko qui le trouve. Elle lit, en fait, la feuille où il avait écrit le texte. Puis elle dit comme, non, c'est une bonne idée que t'as eue. Puis c'est vraiment cool que tu vas être scientifique puis sauver les gens. Ouais. Tu devrais pas avoir peur. Fait qu'il y a eu son succès à moitié. Ouais. Et en sortant de sa cachette avec Aiko, il dit essentiellement que je fais ça parce que je t'aime. Ok, je me souvenais plus qu'il disait carré, mais oui. Okay. Oui, c'est une des premières choses qu'il dit à Aiko, c'est « je t'aime ». C'est cute à ce moment-là, parce que c'est un petit garçon. C'est ça. Donc, un petit garçon, ça sent les choses très fort et ça dit les choses simplement. Puis Aiko le ressent très fort aussi. C'est là qu'elle l'embrasse, un petit baiser. C'est une image terriblement cute d'une enfant qui donne un petit bec sur un oiseau. Un petit oiseau. Ouais. Un petit oiseau simple. Et c'est le début d'une obsession. Ouais, c'est le mot. C'est vraiment le mot. Ouais. S'en suivront plusieurs péripéties avec les camarades de classe de Punpun. Je sais pas trop par où on devrait commencer. Ben, je veux dire, il y a certains moments où, comme tous les jeunes garçons qui sont à découvert de leur sexualité, ils essaient de trouver des magazines porno dans la rue. Ou des cassettes, dont ils en trouvent une. Le gars leur dit « Ah, on a une... » En fait, il trouve une cassette, il commence à la regarder, puis il y a un gars qui fait un... Essentiellement, c'est un homme qui se livre à la caméra après avoir, je pense, assassiné sa famille, ou ça peut le faire. Puis il dit « Je vais me suicider à tel endroit, et venez, il va avoir plein d'argent. » C'est ça. Donc, les enfants s'en vont à l'usine. Là, je saute par-dessus des détails. C'est correct. C'est nécessaire. Tu sais par quoi je... par quoi je saute par-dessus? Je suis pas sûr, mais c'est... Une promesse qui fait à Aiko? Oui. Mais c'est pas super nécessaire. On peut y revenir plus tard. Bref, ils s'en vont à l'usine. Ils ont des péripéties. Il y a un incendie. Il y a un incendie à l'usine. Ils sont pris. Ils se font sauver par un espèce de moment de grâce. Puis ensemble... Punpun, ses amis, Aiko, reviennent de l'usine, la nuit est tombée. Il voit la Voie lactée comme il ne l'avait jamais vue auparavant. Il y a une étoile filante, ils font des vœux. Ils ont vécu quelque chose ensemble. Mm. Il y a eu un certain traumatisme de l'incendie pour certains personnages. Et puis c'est ça se termine sur un moment un peu de grâce. Là. Et puis la promesse que Punpun avait fait à la jeune Aiko était d'aller voir son oncle à la ville de Kagoshima. Kagoshima, c'est ça. Et donc, on va y aller ensemble, c'est les vacances, promets-moi de me rencontrer à tel endroit. C'est ça. On sort par-dessus des événements, il refait la promesse une autre fois, il a dit « si tu viens pas avec moi, je vais te tuer ». C'est comme quelque chose d'étrange pour une jeune fille à dire à un jeune garçon. C'est que le thème du mensonge était déjà présent à ce moment-là. Ouais. Ça revient dans la bouche de plusieurs des personnages que le mensonge est quelque chose de très grave et qu'il faut faire suite à sa promesse. Et ce qui est catalyseur d'anxiété pour notre jeune Punpun qui semble très, très, très sensible à l'idée de l'image que les autres se font de lui. Et fait que là, il y a une promesse qui est faite, une menace de mort si elle n'est pas réalisée, puis que c'est ça, Punpun, on va voir... Donc, il est comme déchiré entre les devoirs moraux, de ne pas mentir. Et aussi la peur de se faire tuer par Aiko. Il est terriblement peur. Finalement, il peut pas se rendre au rendez-vous avec elle pour partir à cause de sa mère qui est à l'hôpital. Donc, il manque le rendez-vous. Il se fait comme tout pendu dans sa tête. Finalement, il est dans un moment de synchronicité. Il passe à côté de l'endroit où il devrait se rencontrer puis il la voit en train de pleurer. Il a failli à sa tâche. Il lui a menti. Il a brisé sa promesse. Ça commence une chute dépressive chez Poon Poon, qui était déjà enclenchée. Tout à fait, dès le début. Une chose qui se remarque dans la bouche de plusieurs des personnages dans les premiers chapitres, c'est, par exemple, à la sixième page, peut-être même la première page, Poon Poon était à peu près trop déprimé pour aller à l'école ce jour-là. Mm-hmm. Il y a... Et au moment où Poon Poon se demande s'il va se présenter à l'endroit, il dit « Ah, ce serait tellement bien si Aiko avait aussi peur et n'allait pas elle-même au lieu de rendez-vous. » Ouais. C'est... Et puis, donc, il se compte un peu des histoires. Puis, dans la bouche de certains des autres personnages, il y a un certain courant de mélancolie qui rapidement s'installe sur les limites de ce qui est possible d'accomplir dans la vie, le devoir de un peu abandonner certains rêves. Mm-hmm. D'ailleurs, les figures d'autorité le disent eux-mêmes. C'est bon d'avoir des rêves, mais il faut aussi avoir des rêves réalistes qui tiennent compte de notre position sociale, fiscale, économique. Et puis, on a une récurrence aussi du thème des hommes chômeurs qui les mène à des comportements potentiellement violents ou potentiellement toxiques, comme des dépendances ou des... On a le père d'un personnage, du personnage de Seki, qui essentiellement se dit qu'il mérite mieux que la job qu'il vient d'avoir, puis donc c'est sa façon de se justifier, de te pas se présenter à son nouveau travail, puis de te boire à la place. Puis voilà. Ce qui a des répercussions plus tard dans le manga pour le personnage de Seki. Je sais pas si on va y venir, mais c'est un personnage qui est central à l'idée de... comment je pourrais expliquer ça? C'est de vouloir faire les choses de manière... De vouloir se prendre en main. Mm-hmm. Seki, c'est quelqu'un qui est comme un bum. Oui. À l'école, c'était pas terrible. C'est ça. Bref. On va... À la suite à cet échec-là, ce premier d'une potentielle série d'échecs, on passe de la fin du ce qu'on appellerait le primaire ici au début du secondaire. Au début du secondaire. Mmh. Secondaire 2, à peu près. Les autres, ils ont comme un système similaire aux États-Unis, avec middle school puis high school. High school étant les deux dernières années. Je mentionnerais avant ça que le glissement, la façon dont il se fait, c'est avec une mention du titre « Bonne nuit, Poon Poon ». Oui, c'est vrai. Qui déclenche une ellipse de 2 ans. Ça va être une figure récurrente. Et puis, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, ça c'est le genre d'affaire que j'aime bien ». C'est-à-dire, lorsque le titre est employé de façon signifiante pour accompagner... Mm-hmm. Un moment marquant, ça c'est la fin d'un épisode dans ce cas-ci. Ce qui marque beaucoup les épisodes de ce début de secondaire-là, c'est les sentiments mêlés qu'il éprouve par rapport à un de ses amis qui fait du badminton de façon compétitive. Oui. Il se retrouve à avoir une compétition, en tout cas dans sa tête à lui, entre Poon Poon et Saguchi, Yaguchi son nom. L'affection de Aiko, qui est encore présente, mais qui ne lui parle plus, dans le fond. Ouais. Suite à la faillite de faire la promesse, ils n'ont plus de con. Ils ne sont pas parlé pendant tous ces 2 ans-là. C'est ça. Poon Poon est dans le club de badminton parce qu'un de ses amis avait dit que viens, le badminton, ça va être le fun. Là, il se rend compte qu'un des élèves les plus vieux, Yaguchi, ou en tout cas, il y a une erreur de traduction pour son nom, on va l'appeler Yaguchi pour l'instant. Ouais. Un des élèves plus vieux, un des meilleurs élèves de badminton de l'école, c'est maintenant le copain de Aiko. Ouais. Là, lui, dans sa tête, c'est comme j'ai eu Yaguchi, je veux le tuer. Ceux qui ont vécu la jalousie étant plus jeunes peuvent facilement s'identifier à comme ce sentiment de trahison ou de violence qu'on peut ressentir quand on est confronté à une situation comme ça. Là, ce qui est difficile, Ouais. Ce qui est, c'est que Yaguchi commence un peu à s'attacher à Punpun lui-même, puis à lui livrer sa vulnérabilité, à s'ouvrir à lui, à lui faire des confidences. Alors que Punpun, lui, on l'a établi d'emblée, c'est quelqu'un qui parle très très peu. Il parle jamais à travers des phylactères. Là. C'est quelqu'un qui écoute, entre guillemets. Mm-hmm. Le genre de personne à qui on dit qu'il l'écoute bien, parce que dans le fond, il parle jamais. Ouais. Ça existe en vie, là, des gens qui ne font qu'écouter, parce que c'est ça. Pas parce qu'ils ont rien à dire, hein. Juste parce qu'ils savent pas comment le faire. Et donc, il devient un peu une oreille à Yaguchi, à celui qui est un peu son némésis, d'une certaine façon. Ouais. Voilà. Mais en devenant cette oreille-là, ouais. Il se rend compte que Yaguchi, c'est pas une mauvaise personne. Exact. Ses pensées noires, profondes, sont comme en conflit avec le fait que finalement, il le trouve correct. Il l'aime aussi un peu. Et il se met à demander pourquoi est-ce que moi, je serais le copain d'Aiko si c'est un gars correct avec qui caler. Ouais. Tout un. Il en arrive à se demander s'il mérite plus que d'autres les choses qu'il voudrait qu'il lui arrive. Exactement. Là, finalement, pour une raison ou une autre, Yaguchi apprend que Aiko et Punpun se connaissaient. Mm-hmm. Là, il suspecte que. Ou il découvre aussi que Punpun aime encore Aiko. Il y a un concours de badminton qui arrive. Yaguchi dit, si je gagne le concours, Aiko, ça va être ma blonde. Si je le perds, ça va être ta blonde, etc. Yaguchi a un problème à la cheville. Il veut absolument gagner pour multiples raisons. C'est tout expliqué. Et il se pousse peut-être un peu trop loin. Il se brise la cheville. Il peut pas gagner le concours. C'est Punpun qui gagne. C'est ça. La note que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il n'ose pas être heureux d'avoir remporté la compétition. Ben, il n'ose pas être heureux d'avoir remporté la compétition, entre autres parce qu'il se sent coupable. Ouais. Il a la culpabilité d'avoir fait en sorte que Yaguchi soit poussé peut-être un peu trop fort et se soit fait mal à cause de cette idée de compétition-là. Tout à fait. Donc, ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est que Aiko aurait très bien aimé encore être avec Punpun. Ouais. Mais lui dit non, c'est Yaguchi qui a plus besoin de toi. Ouais. Et donc il choisit de fuir l'amour. Oui. Volontairement, ou en tout cas, en partie. Et ce qui est intéressant, puis là ça nous ramène au traitement graphique, parce que depuis tantôt on parle d'histoire et d'événements, mais à ce moment-là il devient noirci. La figure blanche, cute, mignonne de Punpun, même s'il a grandi un petit peu, devient noir. Et c'est troublant. Avant ça, il y avait des petits ajustements, dépendamment de son humeur. Il y avait, dans son traitement, il devenait étrange. Il y avait un petit bord d'abstraction, mais là, il est carrément noir. Puis là, la noirceur s'immisce dans le traitement graphique lui-même. Je tiens à... On parle de badminton, tout ça, ça paraît un peu banal, mais le traitement graphique de ces scènes-là, entre autres, est très frappant, très cinématographique. Des angles peu communs. Qui donne une impression de mouvement parfois. Comment dire, très éloquent. Quand il joue au badminton. Notamment, ouais. Ouais. J'ai une note là-dessus. Ouais. En fait, sur la multiplicité des genres abordés par le manga. Ouais, ok. Puis une partie des genres dans les mangas, c'est des mangas sportifs. Ouais, tout à fait. Des gens qui font de la boxe, mettons, du baseball aussi. Et je pense qu'il profite, le mangaka. Je sais qu'on fait une parenthèse, là, parce que honnêtement, il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder en parlant de ça. Nécessairement, ça va être un peu confus, ce qu'on va dire. Ouais. Mais je pense que Inio Asano est quand même assez habile à reconnaître qu'est-ce qui fait qu'un genre existe, pourquoi il existe, puis comment il peut l'utiliser ensuite, juste pour le détourner. Ce qu'il faut dire, c'est que je pense pour briser les attentes. Dans les années précédentes, il y avait déjà de l'expérience en tant qu'auteur de manga plutôt traditionnel. Il y avait eu, je pense, un grand succès avec son manga précédent, Solanin, qui était, je pense, un récit romantique de jeune amour entre jeunes adultes, puis d'arriver à l'âge adulte, assez traditionnel, mais qui avait rencontré son public. Et donc, ça, il travaillait dans les magazines de façon mensuelle. Donc, tu sais, on a affaire déjà à un artiste expérimenté dans la méthode, dans la discipline, et donc nécessairement dans les genres. Tu sais, c'est un marché, puis ouais. On en est assez conscient. Mm-hmm. Mais bonne remarque, c'est ça donne lieu à des scènes juste agréables à regarder, dynamiques. Ouais. entrecoupé de scènes de dialogue plus psychologiques, et ainsi de suite. Mais je vais revenir peut-être sur, sur cet aspect-là, de genre, si on se rend à parler de la fin, ou t'as des chapitres à peu près 9-10, parce que il détourne potentiellement encore des genres, mais peut-être pas ceux auxquels on s'attend. OK. Mais bref, oui, les scènes de badminton sont très bien mises en scène, c'est très dynamique, c'est très beau à regarder. Ça te fait « Ah, tiens, je suis en train de regarder un manga sportif. » ce qui m'amène quand même à... On a parlé beaucoup d'histoire, encore une fois, mais le récit est entrecoupé de parfois double pages de panorama ou d'images des grands ensembles. Très détaillé, très frappant, qui, ajouté à chaque fois, suscite un moment d'arrêt. Ça accompagne généralement des moments de... C'est des moments forts. C'est des moments forts, c'est des moments de silence et de contemplation, souvent après quelque chose de fort. T'sais, c'est très rare que dans ces doubles pages en question-là, il y a du texte à lire. Mm-hmm. Ça arrive, mais c'est des moments poétiques, un peu, si on veut. Ouais, ouais. Des arrêts. La voie lactée, l'étoile filante, je pense, un moment où... Poun Poun embrasse, mais le terme de manière t'es prend Aiko dans ses bras, on le voit de loin, c'est un moment d'arrêt, c'est silencieux, il n'y a rien qui se passe avant qu'il fasse une promesse. Ça arrive quand même assez souvent, c'est toujours des moments forts. Moi, j'apprécie toujours ça, c'est ressenti. Ouais. Fait que là, on vient de parler de. Essentiellement d'un second refus de, majeur de Poun Poun de suivre son désir ou une incapacité à le suivre. Et une des façons dont ça se manifeste, et que ça se manifeste assez tôt dans le récit, c'est la présence de Dieu, qui est représenté comme un homme à lunettes avec une coupe un peu afro, un homme normal japonais. Souvent en train de sourire. Souvent en train de sourire, ouais, c'est ça. Un sourire moqueur. Et il lui apparaît dans des moments. Pas toujours volontairement. C'est-à-dire, il s'est fait apprendre par son oncle à prononcer certaines paroles pour que Dieu lui vienne et qu'il le réconforte ou quoi que ce soit. Les paroles tinkle, tinkle, hoy. Mais il y a aussi des moments où Dieu lui apparaît de façon non demandée. Non sollicitée. Oui. Et généralement pour accompagner des moments de détresse. Et il ne lui parle pas pour le réconforter. Souvent, c'est un ton moqueur. S'adresse à lui sur un thème, le terme de dédain, de sorte de moquerie, qui contribue généralement à aggraver son état. Ça se manifeste souvent, il peut être illustré de façon oblique avec un texte qui ressemble au texte de Star Wars d'introduction. et donc c'est une récurrence depuis très tôt dans le récit quand même. Et je suis sûr que ça se manifeste lors de ces épisodes, de ce nouvel épisode de détresse-là, comme ça va continuer de le faire par la suite. Mais c'est ça, ça détonne. Tout d'un coup, on a ce personnage-là qui est visualisé de cette façon-là. Puis, ça mène un... Souvent, le manga est placé dans un genre... C'est surréaliste. Ouais. Ça amène justement un peu cet aspect-là, le fait que Dieu arrive. Ouais. Il dit des affaires pas super le fun. C'est un peu inexplicable. C'est ça, c'est une présence claire. Ouais. C'est pas juste... il est dans l'environnement, on s'entend. Ouais. Souvent de manière comme juste sa tête est présente. Ouais. On dit hey, ça va bien à un moment de fragilité. Et la suite du récit va se concentrer principalement sur l'oncle Luigi, qui s'avère avoir un passé sordide. Ouais, c'est pas ça. Sordide tout à fait, mais. Et à être assez étonnamment un miroir de ce que semble. C'est comme Poun Poun semble en voie de devenir, ouais. Des pensées suicidaires, un manque d'estime de lui-même, une réticence à l'engagement, possiblement pathologique, une fermeture envers le monde, un isolement. Ouais, tout à fait. Sauf que lui, il parle. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il parle, parce que ça nous donne justement un côté plus vocal, plus verbal, face à ce que Poun Poun pourrait ressentir. C'est ça. Ça l'extériorise. Ouais, c'est ça. Il est clairement là pour une raison, ce personnage-là. Mm-hmm. Ça comme donne une. Ça décline l'idée de cette détresse psychologique-là. Une note que j'ai prise, c'est qu'à peine à 30 ans, puis j'arrive à 30 ans moi-même, Yuichi parle déjà de lui-même comme étant comme s'il parlait d'un très vieil homme. Que de toute façon, il n'y arrivera plus rien dans sa vie, puis que tout est réglé, puis tout ça. Il rencontre Et c'est ça. Une jeune femme de 25 ans, ouais. qui était infirmière, qui aurait été l'infirmière de sa sœur, donc la mère de Poon Poon, pendant qu'elle était à l'hôpital. Il dit comme, qu'est-ce qu'une jeune fille comme ça ferait avec un vieux mec comme moi? De Exactement. ce côté, la différence d'âge n'est pas si énorme que ça. Pas tant que ça, non, c'est ça. Mais pour lui, ça paraît catastrophique. Mais on se rend compte assez rapidement que la seule compagnie de... En fait, c'est l'inverse. C'est que en côtoyant cette personne-là, qui s'appelle Midori, qui a des doutes quant à l'idée de se partir son café, devenir sa propre patronne, et ainsi de suite, il se retrouve à donner du courage à cette fille-là. À l'inspirer, à la réconforter, à lui donner l'impression que les choses vont aller bien. L'oncle Yuichi, possiblement sans faire grand-chose, se retrouve à être une présence positive dans la vie de quelqu'un. Comme Poon Poon, d'ailleurs. Exactement comme Poon Poon. Par rapport à Tout le monde. tout le monde, ouais, c'est ça, c'est ça. On le voit à la fin du... dans les derniers volumes, en fait. Mais on l'a vu avec Yaguchi. Juste par sa Oui, présence tout à fait. inactive. Sa bonne écoute. Ouais, sa bonne écoute. Et donc, l'oncle Yuichi va devenir le conjoint de la jeune Midori, qui va, elle, commencer à se prendre en main, devenir maîtresse de sa propre entreprise. Puis, on assiste à une unité familiale qui est en train de se souder un peu. La mère de Poon Poon est revenue dans le décor. C'est une mère dépressive, qui semble pas vraiment avoir voulu de famille. Pas nécessairement, en tout cas, qu'elle a abandonné sa liberté, elle n'était pas sûre de vouloir. Mais bon, elle est fonctionnelle, elle est présente, elle est une présence non pas trop destructive pour l'entourage. Mais pendant que ça, c'est en train de se solidifier, Poon Poon, lui, il se sent très très beau. Ouais. Ça continue de pas aller très très fort. Juste faire une petite Ouais, parenthèse vas-y. avec Yuichi, Oui. l'oncle de Poon Poon. Je sais que on prononce beaucoup de noms, peut-être Ouais. potentiellement. Yaguchi, Yuichi, Ouais. Yuichi, l'oncle de Poon Poon. Explicite, Ouais. parfois, certains des thèmes centraux Ah oui, c'est au vrai. récit. Parce qu'on s'entend qu'il y a un gros gros chapitre qui lui est accordé, là, un gros épisode. Ouais, je pense que c'est un volume au complet, en fait. Ouais. Donc, une dizaine de chapitres minimum. Ouais. Pendant ces chapitres-là, il fait partie de l'unité familiale de sa sœur, avec son neveu. Il décide de se trouver un emploi pour peut-être un trou de cul. Ce qui est toujours difficile quand t'es dans une société où les gens de. je pense que même les gens qui ont pas d'emploi en sortant comme du collège ont de Ouais, la difficulté à s'en trouver. c'est attendu que tu suives le parcours, C'est ça. que essentiellement t'es 17 ans, là, ça sera ta dernière année de liberté. Ouais. C'est un thème, moi je l'ai vu dans toutes sortes de choses, mais je l'ai notamment vu dans la série de jeux vidéo Persona. C'est quelque chose qui est exprimé constamment, cette idée-là que c'est un peu la fin, il faut en profiter là, parce que c'est sur la fin. Certains films aussi, comme des films de... Ah. Son nom m'échappe présentement. Tokyo Story? Non, je parle du réalisateur du film, par exemple, Tel père, tel fils. Ben. Ouais. En tout cas. Malheureusement. Coréda. Ah oui. Bref, Yuichi s'est trouvé un emploi éventuellement. Il travaille genre un SO, là, ou un. Ouais. au comptoir de. T'sais où? Non, il travaille dans un couche-tard. On va le dire de même, c'est Ouais, l'équivalent d'un dans d'autres couche-tard. termes. Avec un jeune garçon, lui il a peut-être 17 ans, 18 ans maximum. Ils ont une conversation. Hey man, c'est quoi être vieux? Il parle, etc. Finalement, il dit, c'est quoi la vie pour toi? Puis Yuichi répond, vivre, c'est la rédemption. Probablement. Je pense que vivre, c'est probablement la rédemption. Le jeune, il fait comme, ah, je vais utiliser ça au prochain party. Mais quand Yuichi le dit, c'est. En fait, bon, pas quand il le dit, mais quand on retourne à ce moment-là, après avoir lu tout le restant du chapitre, ça a un certain sens par rapport aux événements qui se passent, comment Poon Poon réagit avec le monde. Parce que la rédemption, c'est en fait, c'est se racheter au sens moral ou religieux. C'est vouloir. J'ai marqué le mot en anglais. J'ai fait l'effort de marquer toutes les affaires en français, mais j'ai Ouais. marqué la définition de dictionary.com, D'accord. c'est atoning for a fault or mistake. C'est racheté d'une faute d'une erreur, oui. Ouais, c'est ça. Mais il y a comme juste un... Il me semble qu'il y avait une signification juste plus précise pour Atonement, mais anyway. Donc, si on regarde le restant de la série par rapport à l'idée de la rédemption, ça commence à faire un peu de sens. Ça fait du sens du point de vue de Poon Poon, qui ressent beaucoup de culpabilité pour ses actes constamment. Oui. Surtout à partir du volume 10. Oui. Comment ça influence toxiquement ses comportements. On va y arriver tout à l'heure au volume 10. Ouais. Là, on est rendu au volume 5. Ouais, à peu près. Ouais. On peut-tu sauter rapidement par-dessus 5, 6, 7? Ben, on va... On saute par-dessus... En fait, je vais me permettre un commentaire là-dessus, c'est-à-dire qu'on va avoir... On va accorder du temps solo à la mère de Poon Poon, qui commence à s'amouracher d'une jeune personne. On va avoir la révélation tardive que, dans le fond, la scène de violence conjugale qui a mené au divorce des parents de Poon Poon, c'était pas si simple que ça. C'était que la mère était en train de se menacer, de menacer le père de Poon Poon de se suicider s'ils se séparaient. Et... La blessure qu'elle a eue, dans le fond, est juste le résultat d'une altercation, mais c'était pas... L'origine de l'événement était pas la violence du père, quoi que ce soit. Ça provenait des pulsions destructrices, autodestructrices de la mère de Poon Poon. On a aussi, pendant un retour, dans la section de New Witchy, on a une explication un peu de d'où provient lui-même son propre sentiment de culpabilité face à la sexualité. Ouais. C'est comme un aspect important de la thématique du récit complet, l'espèce d'aspect pulsion. La sexualité. Parce que, peu importe toutes les scènes de sexe qu'il y a éventuellement dans la série, il n'y en a jamais une qui est présentée sous un angle érotique. Jamais. On n'est jamais là pour titiller de façon réconfortante et satisfaisante le lecteur potentiel. C'est ça. Donc, on saute aussi... Si on peut passer rapidement par-dessus certaines choses que dans les volumes 5, 6, 7, il y a l'histoire de... Seki, son ami Shimi, deux anciens amis de Poon Poon, avec qui il n'y a plus de contact. Il y a zéro contact pour le restant de la série avec eux autres, mais ils ont des péripéties, souvent qui ont rapport avec l'idée de notre présence dans la société. Ouais. Et donc ça cimente encore plus le commentaire que j'allais faire, à savoir que en consacrant du temps à l'oncle Luigi, à la mère, Poon Poon Yama, et ces deux personnages dont je viens de parler, on s'éloigne quand même assez considérablement du récit très très centralisé de Poon Poon, de ses émotions par rapport spécifiquement à Aiko, qu'il va perdre de vue un moment quelconque. Là. Et puis, je t'avoue que je commençais à avoir hâte qu'on revienne à cette trame-là. Je veux dire, c'était intéressant, mais à travers les récits de l'oncle et de la mère, il y avait une certaine redondance qui commençait à s'installer. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... Moi, je ne l'écrirais pas comme ça. Mais... D'accord. C'est-à-dire que je pense que ça permet d'éclairer le fait qu'il y a une certaine hérédité dans l'anxiété, les comportements autodestructeurs, le manque d'estime, et ensuite. Ça, je trouve ça intéressant. L'idée que le spectre de la dépression menace toujours de revenir à la charge quand on s'y attend pas. C'est quelque chose qui est annoté aussi dans le dernier chapitre. Oui, c'est ça. Ou l'avant-dernier. Je pense que c'est chapitre 144. Désolé pour les précisions. Oui. Et puis, donc, ça te permet de comprendre un peu de quelle racine Poon Poon découle. Mm-hmm. Ça sort pas de nulle part. Il a été entouré de ça. Son père avait ses problèmes aussi. Mais je t'avoue qu'il y avait un certain statisme qui commençait à s'installer. Puis, aussi, avec les personnages de Seki et Shimizu, quelque chose d'un peu plus flou. De moins immédiatement prenant. Ouais, mais... Moi, comme la manière dont je voyais ça, c'est qu'un des thèmes, le grand thème de la série, c'est la douleur de vivre. Ouais. C'est pas facile d'être vivant. Ouais. Et le mangaka explore un peu ce thème-là par rapport à travers ces personnages-là. Pour moi, à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage qui rentrait en scène, c'était juste une nouvelle itération du traitement. Tout à fait. Moi, j'ai rarement été tanné de lire ce que je lisais. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre si tu fais comme du binge reading. C'est ça. C'était pas mal ça. Puis ça, je vais conclure avec ça un petit peu. Mais à travers ce temps consacré aux autres personnages périphériques, je sentais une générosité d'esprit. Il y avait un intérêt à aller scruter ce qui aurait pu être complètement laissé dans les marges. Et puis ça, en soi, c'est reconnaissable. Peut-être que j'y aurais été un peu plus ouvert si, dès le début, ça avait été quelque chose qui avait été présent. Alors qu'on est tellement focalisé sur notre personnage central au début que peut-être qu'on s'y attend pas autant. Ouais, je sais pas. Écoute, tout ce que je dis là, c'est peut-être des choses que je serais prêt à atténuer à une éventuelle relecture à la lumière de... Une lecture qui est pas... qui n'est pas faite sous pression. Ouais, parce qu'il faut le dire, c'est ça. C'est une longue lecture, et donc ça venait avec une certaine urgence, si on veut. Après, toutes sortes de choses, Punpun essentiellement va déménager. Il arrive à l'âge... 18 ans. Ouais, c'est ça. Et puis, suite à je ne sais trop quels événements, il décide que c'est probablement la chose à faire. Possiblement aussi par volonté d'isolement et d'éloignement, et de le début d'un désir de... qui était déjà présent, mais le début d'une concrétisation d'un désir de disparition. Ouais. Et de discrétion potentiellement pathologique et même irréalisable, dans le fond. Désir de disparaître d'une manière qui n'est pas possible sans mourir. Ce qui arrive, si on est poursuivre la narration, ouais, de la série, il y a aussi, bon, je pense que c'est important de le noter, il y a un personnage, un personnage féminin qui arrive, ouais, en scène, le personnage de Nanju Sachi, c'est ça, qui est une mangaka, elle l'est pas en fait quand ils se rencontrent, ouais, parce qu'ils se rencontrent à l'usine, puis on le sait pas tout de suite. Ouais, ouais, c'est vrai. Il la revoit étant adolescent, puisque là on saute par-dessus. Il commence à voir, tu sais, il y a un nouvel entourage. Ça, c'est une chose qui est intéressante, ouais, c'est que la façon dont le récit nous a fait passer d'un personnage de 11 ans à 17 ans, avec tous les changements que ça implique. Ouais. Donc les changements hormonaux, psychologiques, mm-hmm, les changements d'amis, les changements dans le milieu familial. Puis là, ben, on est rendu à 17 ans, 18 ans, avec plus aucun personnage avec qui il s'est associé par le passé. Et à travers tout ça, ça introduit Nanju Sachi, qui va être un personnage important. Un autre personnage central. Ouais. Un autre personnage pour qui Punpun est épris. Ouais. Pour qui il ressent de l'amour. Mais c'est pas si évident. C'est pas de la même façon. C'est ça. Mais ça se développe d'une autre manière. Ouais. Et, mais il dit clairement, genre, je risque de tomber en amour avec toi. Oui. Il le voit venir. C'est ça. Mais... parce que Aiko a jamais cessé de le hanter, par contre. Là. Mais c'est ça. Mais ça commence à... c'est un peu comme rangé dans le fond du tiroir. C'est ça. La raison pour laquelle il déménage... en fait, c'est parce que il la voit. Il l'entrevoit dans une station de métro. Mm-hmm. Il la suit. Obsessivement, il la perd de vue. Oui. Donc, Aiko, ça. Oui. Ouais. Il se trouve un appartement pas loin de la station de métro où est-ce qu'il l'a vu. Oui. Puis il dit, si dans 2 ans, j'ai pas retrouvé Aiko... je me suicide. Je me suicide, oui. Ouais. Ça, c'est les pensées très joyeuses et positives qui accompagnent son déménagement. Le glissement... vers la noirceur. Ouais. Ce qui s'opère depuis le début, mm-hmm, mais qui devient de plus en plus intense. Je vais noter une des façons dont ça se manifeste, c'est qu'il commence à avoir des gros plans sur, par exemple, le visage, les yeux, les mains, qui deviennent, sur les personnages gribouillés, comme Punpun et son oncle. Et là, soudainement, il commence à devenir très détaillé, très expressif, souvent expressif de détresse. Et c'est quelque chose qui s'ajoute au traitement graphique. Un détail qui n'était pas présent au début du récit. On sent, ça contribue à une impression d'assombrissement, d'intensification des moments. Écoute, tu l'as mentionné que souvent, en fait, tout le temps, mm-hmm, les mains des personnages sont noires. Toujours, oui. Les mains étaient noires, là. Noir, ouais. Le noir le plus profond de l'espace que tu peux trouver. Oui. Et il faut bien dire aussi que cette forme différente de cette famille-là est jamais reconnue par aucun des personnages. Là. C'est ça. Mais là, il y a plusieurs péripéties qu'on saute par-dessus. Je le mentionne depuis tantôt parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a, ouais, beaucoup de stock dans ce manga-là. C'est... moi, je trouve ça tout intéressant. Ouais. Avant de rentrer dans, je pense, les quelques derniers volumes... ouais, on va pouvoir sauter assez rapidement... mais je prendrais quand même un peu de temps pour parler de Nanju, qui devient quand même un personnage central, à savoir que Punpun, lui, est en pleine stagnation. Il a sa petite job, il a son ami qui est un peu drôle, là, qui se prend pour le roi du monde, il a sa petite blonde à lui, ben, c'est pas Poun-Poun, mais l'ami drôle de sa blonde. Puis Nanju, elle, c'est une fille active. C'est une fille qui se pose beaucoup de questions. C'est une fille qui est talentueuse, qui a beaucoup d'ambition, mais qui sait pas trop encore comment l'organiser. Et puis moi, ce que moi personnellement, ça a revigoré mon intérêt pour le récit qui commençait à s'atténuer, à savoir de voir un personnage qui clairement avait aussi de l'anxiété en elle, des moments de doute, des moments de pétrification devant les obstacles, mais qui trouvait l'énergie pour essayer quelque chose, essayer de foncer. Puis dans son cas, c'est de commencer un projet de manga, possiblement avec Poun Poun qui l'aiderait à la rédaction, puis elle à faire les dessins. Dans le parcours de ce personnage-là, écoute, l'intérêt, la flamme était rallumée pour moi. Ça me semblait être comme dans toute la noirceur vers laquelle Poun Poun semble se diriger, celle-là, elle donnait quelque chose à quoi s'accrocher. Puis je pense que je n'ai pas été déçu à savoir que ça donne lieu à toutes sortes, à un changement de ton. C'est une fille intense qui défend. J'ai ça ici, là. C'est une fille qui prend sa vie en main. C'est ça. C'est que elle a à la fois de l'empathie pour les gens qui souffrent de difficultés, mais des fois, un peu comme je disais tantôt à propos de Kendrick d'ailleurs, elle a le goût que ces gens-là ils fassent quelque chose pour s'aider un peu. Parce qu'on peut pas tout faire pour eux. Puis elle exprime ça en étant consciente de la difficulté, mais. Que Colin. C'est ça, parce qu'elle se reconnaît chez Poun Poun, tout à fait. D'une certaine manière. La personne qu'il est, c'est un peu la personne qu'elle était. Ouais. Sauf qu'elle, elle a plus son destin en main. Ouais. Notamment en changeant son visage entier avec de la chirurgie plastique. La chirurgie esthétique, ce qui ouais. C'est un drôle de détail. Mais. Un peu un running gag entre elle et son ami. Son ami qui souffre un peu d'embonpoint et Nanju arrête pas de la traiter de grosse constamment. Constamment, et son ami arrête pas de la traiter de fille de plastique constamment. Ouais. C'est une relation intéressante, oui. Vivante. Puis, avant aussi qu'on aborde les aspects vraiment plus sombres là, qui s'en viennent, là, il s'est glissé depuis, je sais pas, le volume 5 ou 6, peut-être la présence d'une figure étrange qui paraît magique, du nom de Pegasus, c'est-à-dire qu'il y a un nom, mais on va le désigner comme étant Pegasus, qui semble mener un groupe. Un genre de culte. Genre de secte, culte est le mot anglais, là, qui Ah vont ouais. s'unir pour combattre une force cosmique qui s'en vient. Il y a un événement catastrophique qui va frapper la Terre, et puis avec la force des bonnes vibrations, des good vibrations, on va s'unir, puis anéantir les black spots, les points noirs qui sont des tares de la société. À chaque fois qu'il apparaît d'ailleurs dans mes notes, j'ai Good Vibrations. Ouais, ça revient constamment. Et l'autre phrase qui définit ce personnage-là, qui est vraiment dur à saisir, c'est je vous aime tellement ou je suis tellement attaché à vous que j'ai de la misère à le contenir. Il semble avoir un désir profond de sauver l'humanité. Il se manifeste de toutes sortes de façons. Il est à la télévision par moment, il est dans la rue en train de déclamer, il se présente comme candidat aux élections du district ou quelque chose. Gouverneur du district, c'est ça. Il s'immisce de toutes sortes de façons dans la narration, à travers aussi les personnages de Shimizu, là, dont on n'a pas parlé. Et puis je le mentionne parce qu'il commence à revenir beaucoup. Et puis, des fois, ça cause un peu de confusion, parfois. Ouais. Tu sais que ça va nous amener. C'est même, après avoir lu le manga complet, c'est quand même assez dur de cibler exactement à quoi ça sert de manière narrative. Ouais. Qu'est-ce que ça exprime, si c'est pas seulement pour amener un certain moment de grâce vers la fin. Ouais. Mais, écoute, j'ai pas pris trop de notes sur lui. Mais c'est quand même un peu emblématique de personne qui cherche le sens. C'est ça. J'ai une note en quelque part, c'est comme une jeunesse sans but. Ouais. Puis Pegasus semble rassembler autour de lui des personnes qui veulent avoir un sens. Puis donne un peu d'espoir. Ça ajoute comment dire? Une note de petite naïveté pleine d'espérance que tout le monde peut accomplir ce qu'il veut s'il y croit, puis que tout peut s'arranger. Puis ça vient un peu un contrepoint à ce qui est pas du tout en train de s'arranger sur Poun Poun. Dans le cas de Poun Poun, à savoir que c'est ça, il est dans un certain statisme. s'être mis la promesse de se suicider s'il voyait Aiko, ça lui a donné une raison de vivre, mais c'est un sursis. C'est un sursis, mais c'est une prolongation. Une prolongation, mais comme Nanju, elle mentionne, s'il voulait vraiment trouver Aiko, il l'aurait fait. Ah ouais, c'est ça. Bon exemple de prise en main de ce personnage-là. Ouais, parce qu'elle dit, tu aurais pu contacter un ami de ton école primaire, tu aurais pu juste regarder dans le bulletin téléphonique pour trouver son numéro de téléphone, errer dans les rues pendant 2 ans pour la retrouver, c'est comme si tu voulais échouer à la tâche. Juste avant qu'on arrive aux événements... Ben, je veux comme dire quelque chose de faire un spoiler warning. Ouais. Ben, vas-y. Ben, c'est que il y a la mère de Poon Poon qui meurt. Mm-hmm. Ce qui est un événement triste, objectivement, mais qui est pas vécu par Poon Poon comme étant si catastrophique que ça. Ce que je noterais, par contre, c'est que le traitement graphique suivant la mort de la mère est très sobre. Il y a pas d'effet visuel d'explosion graphique ou quoi que ce soit qui se produise. Il y a des phylactères très simples, beaucoup de cases à fond noir sur texte. C'est calme pendant un certain temps. Ça, peut-être que ça cache quelque chose qui est non extériorisé encore, mais j'ai remarqué une accalmie. Puis, mais en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que le chapitre juste avant qu'elle meure, c'est tout le contraire. Ouais. C'est comme une espèce d'hallucination de temporel mélangé, d'un retour sur toute sa vie, des événements qu'on... Mettons, la violence conjugale, comme la réexprimer, des moments de sa jeunesse qu'on n'aurait pu jamais voir. Il y a l'image de la planète Poon Poon Yama, qui était comme une espèce de paradis qui imagine très très naïvement pouvoir coloniser ça avec Aiko, ça revient. Qu'est-ce que t'as pensé, en fait? As-tu été touché par la mort de la mère? Possiblement, mais on dirait que je me souviens pas de comment ça se produit. Mais ça c'est raconté de façon comme assez elliptique, assez discrète. Ben, je dis, ce qui arrive, c'est que c'est un saut temporel. Il y a un Good Night Poon Poon qui opère. Ouais, c'est ça. Elle se fait annoncer qu'elle a le cancer. Ouais. Poon Poon vient de perdre Aiko une deuxième fois. Ouais. Good Night Poon Poon. Ouais. Là, la mère meurt. Ouais. Comme ça. Ouais. Comme ça. Avec un chapitre dédié à elle, à son passé. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ça fait un bout, là, mais ouais. J'ai juste trouvé que... C'est un peu... Moi, j'ai trouvé déchirant sa mort. Mm-hmm. Surtout à cause de la réaction de Poon Poon, qui dit que malgré tout, parce que t'as une couple de révélations qui se font, il dit malgré tout, Poon Poon ne pouvait pas aimer sa mère. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une cause qui fait mal. Ouais. Ouais. C'était une personne qui était pleine de détresse. Cette personne-là, qui souhaitait, qui avait pas vraiment de raison de vivre, elle s'était trouvé un amant, là. Ouais. Ou, elle commençait à se faire des idées, mais elle y croyait pas vraiment. Non, pas du tout. Pas de perspective. C'est noté à quelques endroits que Poon Poon ne croit pas que sa mère l'aime ou que sa mère a une disposition très froide envers lui. Tout à fait. Mais par certains de ses actes, on n'est pas sûr d'y croire parce que. Pourrait potentiellement faire un suicide meurtre avec Poon Poon. Ouais. C'est pas dit explicitement, mais c'est très annoté, c'est très implicite. Puis, tu sais, quand elle dit à la fin, en bout de ligne, tu sais, je réalise que je t'aimais, Poon Poon est incapable de réagir émotivement à ça. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Mais ce qui s'ensuit au chapitre 70, c'est y a un chapitre qui est une décomposition d'une journée normale à travers le regard dépressif de Poon Poon. Il n'y a comme pas de texte, c'est juste des observations, des scènes de rue, des scènes d'ensemble juste très, très, très détaillées qui mériteraient de s'attarder longtemps. Mm. Il n'y a pas d'effet de style, pas d'événement dramatique. Un peu d'errance, puis... Ouais, c'est ça. Poon Poon qui est perdu dans le décor, en fait. Un néant, là, c'est ça. Ouais. Ça m'a marqué, cette... C'est drôle, parce qu'il y a quand même beaucoup... Malgré tout, il y a quand même de l'humour dans Yasumi Poon Poon. J'ai le chapitre 71. J'ai pas de note sur le chapitre 70, mais j'ai une note pour le chapitre 71 parce qu'il y a Good Vibrations. Ouais. Il nous présente toutes les personnes qui font partie de la secte et tous les noms qu'ils leur ont donnés. Ouais. J'ai une note spécifique marquée Ass Hamburger, qui est un nom donné à un des membres de la secte. Ça, c'est un chapitre où, un par un, de façon dessiné de façon un peu caricaturale, là, tous les membres de la secte sont présentés. Ça fait une pause un peu dans ce moment de néant. Là. C'est veux, veux pas, c'est comique. Ouais. D'ailleurs, le personnage de Pegasus amène une bonne dose d'humour, je pense, nécessaire pour continuer la série. Ouais. Veux-tu qu'on rentre? Tu as quelque chose d'autre à dire avant qu'on rentre? Non, je pense qu'on a fait tout dans le désordre un peu. Là. Je me suis mélangé avec la mort de la mère qui survenait plus tôt qu'à mon souvenir. Mais ouais. Je pense que ce qui résume bien, c'est qu'on a couvert. On a plongé dans la psychologie de plusieurs personnages. On s'est attardé. On leur a accordé du temps. Boudboud, il se passe tellement pas grand-chose à part des insécurités puis des angoisses que c'est nécessaire de s'accorder à ces autres s'accrocher à ces autres personnages-là, puis ouais. Excuse-moi, je suis en train de... Je veux dire deux choses. Ouais. Premièrement, c'est bon que tu dises ça, ouais. Parce qu'avant de passer dans les divulgachis, ouais. Je voulais juste dire, parce que je conseille fortement d'arrêter ici, si vous n'avez pas lu le livre, et de revenir une fois que vous avez lu. Mais... C'est vrai que ça pourrait quasiment s'arrêter là. Donc... Ouais, on pourrait s'arrêter, on pourrait ne pas en dire plus. Mais je voulais mentionner que ce qui est vraiment bon avec l'écriture de Oyasumi Punpun, admettons que je suis en train de faire la conclusion, ouais. C'est que il y a une candeur, il y a une honnêteté aux émotions représentées, ce qui est tellement bien fait que c'est difficile de dire ah non, c'est difficile de passer à côté. C'est difficile de passer à côté la finesse de l'écriture de ces personnages-là. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'aller au fond de leur douleur quand c'est de la douleur. C'est crédible. C'est pas de la douleur cartoonesque. Non. C'est de la douleur humaine qui se manifeste dans des petites choses et dans des angoisses par rapport à l'avenir, de sa place dans la société, de sa famille, des choses comme ça. Là. C'est très, très, très ancré dans... le genre d'émotion qu'on ressent au quotidien, puis qu'on peut reconnaître là-dedans, ouais. À la fois dans les personnages dessinés de façon plus cartoonesque et dans les personnages plus réguliers, si on veut. C'est très universel aussi, ouais. Ce qui est présenté. Mm-hmm. C'est vraiment facile. Aussitôt que tu as eu dans ta vie t'as des moments de doute ou des pensées plus sombres, c'est clair que, à quelque part, nécessairement, il y a de quoi dans Punpun qui va te toucher. Soit avec le personnage de Punpun ou sa famille ou les personnages secondaires autour. Moi, je trouve ça drôle de dire que c'est universel parce que c'est une société qui est quand même assez différente de la nôtre à certains égards. Il y a ces codes qu'on peut identifier comme étant très japonais, ouais. Fois, parfois. Mais qui réussit à toucher quand même quelque chose qui, du moins pour les sociétés post-industrialisées comme les nôtres, il y a de quoi de ressenti. Je veux dire. Le désir l'immobilisme de Yuichi et de Punpun, moi j'en suis familier avec, ouais. C'est quelque chose qui est difficile pour moi de pas m'identifier avec cette idée d'amener quelque chose à son achèvement, mm-hmm. Un thème juste ça devient le refrain de leur vie là. Ça, c'est... qui engendre des grandes crises d'incapacité à fonctionner, en fond. L'honnêteté avec laquelle c'est décrit. Ouais. Puis aussi le fait que c'est. Je l'ai dit tantôt, je me répète, mais c'est une écriture fine. Mm-hmm. Là, une dernière chose avant de rentrer dans la période de divulgachi, j'ai trouvé une autre. J'avais une note qui était comme haha. Ouais. Page. Chapitre 74, page 4. C'est, en fait, c'est Punpun qui annonce qu'il va quitter puis se prend un appartement. Là, il dit ça à Midori. Midori se retourne vers Yuichi. Yuichi, dis quelque chose. Puis là, Yuichi dit « OK, I'm number one strong guy in USA. » C'est ça. C'est quelque chose. Moment d'absurde. Il y a des petites surprises auxquelles on peut pas s'attendre. Mm-hmm. Moi, si j'avais... Mais je veux dire, c'est parfait que Yuichi dise ça parce que c'est vraiment son genre. T'sais. Ouais. Il dit, ah, ok, c'est. Il y a plus de touches connectes dans les premiers chapitres de l'enfance, mais je reviens juste au chapitre 3. Punpun vient d'avoir sa première éjaculation. Et il dit, un morceau de mon cerveau vient juste de s'échapper de ma zizine. My wiener, dans la traduction qu'on a vue. Donc, c'est surprenant. Il y a une visualisation du vagin comme étant des monstres à tentacules quelques temps après. Donc, ça surprend, puis c'est toujours agréable, un peu d'humour frappant. Surprenant comme ça. Là. Des fois, c'est dans des petits détails comme Poun Poun. Éventuellement, il change de forme pour montrer son impassibilité face à la vie. Il devient une pyramide. C'est une pyramide flottante, ouais. Un triangle. C'est ça. On n'a pas tant parlé des changements de forme dont on pourrait parler, mais ça accompagne toujours des moments de transformation psychologique. De forme. Ouais. Et pendant cette période-là, il y a un travail. C'est pendant qu'il est en appartement. Ouais. Il est à son travail, puis à son travail, comme ils ont tous des petits tabliers. Puis sur le petit triangle, il y a un petit tablier. Genre, ouais, c'est un petit détail. Tu peux pas sourire en regardant ça, malgré tout ce qui se passe. J'ai parlé tantôt d'un de ses amis qui est à l'université, puis qui se pensait, ben hot, il y a une réplique ici où ce qu'il dit. J'ai décidé de passer la nuit à faire des setups, des abdominaux très douloureux, en pleurant. Genre, ouais, c'est Mimura, ça. Ouais, c'est son ami qui le suit, son ami de secondaire qui le suit pour le restant du récit, okay. D'ailleurs. Qui, t'sais, lui, il veut juste avoir des abdos pour se trouver une blonde. Finalement, c'est un gars qui lit beaucoup de manga. Il fait des mouvements comme de manga constamment. Ouais, puis il se trouve une blonde aussi intense que lui. Ouais. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. On peut s'accrocher à des petits moments de légèreté comme ça, alors que lui, il est dans l'immobilisme. Exactement. Mais là, on s'apprête à retourner, à refocaliser notre attention sur notre Poun Poun de façon... hard. Ouais. On va y aller, là. Bon, donc, on va le dire. Spoilers. Divulgachi. Au chapitre 99. Poun Poun revoit Aiko. Ouais. 99. Ok, d'accord. C'est le chapitre 100 où est-ce qu'il... T'as marqué 89? Ouais. T'as fait une erreur. T'as fait une erreur, bro. Bon. Ouais, t'as raison. C'était juste... peut-être qu'il lui pense, mais... Ouais, 99. Ouais, pis c'est comme chapitre 100. C'est comme significatif. Ouais, c'est... T'sais, quelqu'un veut avoir des points de repère. Ah, les chiffres... Ouais, les beaux chiffres. Les beaux chiffres ronds comme ça. Donc, Poun Poun... Est-ce qu'on le dit? Est-ce que c'est une... Il prend une autre identité. Enfin, ouais, ça fait 2 ans qu'il n'a pas, ouais. Qu'il a pas trouvé Aiko. Donc, Poun Poun meurt. Il revit comme son voisin. Ouais. Ah. Il a essentiellement mis à adopter les comportements qui lui semblaient désirables d'adopter pour son succès avec les dames dans la vie, pour avancer, pour devenir une personne inspirante. Et au moment où il recroise Aiko par hasard à une école de conduite, il est au milieu d'une phase où c'est à ça qu'il s'adonne, essentiellement à se déguiser en tant que personne. Déguiser psychologiquement. Ouais, c'est ça. Ou carrément mentir. Il se trouve une fille avec qui potentiellement coucher, parce que c'est juste une autre identité qu'il a. Et en faisant son cours de conduite, parce que veut pas, sa vie commence à changer pour le mieux à cause de sa relation avec Nanju. Ouais, c'est une présence positive. Ouais. Il se va probablement se trouver un emploi pour le gars qui le propriétaire de son appartement, etc. Ouais. Et pour ça, il a besoin d'un cours de conduite. Il rencontre Aiko à son cours de conduite. Où il est en plein milieu d'un mensonge à raconter à une autre fille que « Ah oui, mon nom c'est Takashi, je joue au soccer maintenant, je suis à l'université, je vais étudier pour devenir professeur. » Là, quand il voit Aiko, on a un spread de 2 pages de juste le nom Aiko! Comme son intérieur déchiré finalement est en train de la revoir à côté. C'est clairement l'intérieur qui s'exprime, mais qu'à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui doit se voir. Ouais. Il reste impassible. Ouais. Donc, ils décident de faire une sortie ensemble. Ils s'en vont au marché, peu importe. Ils se racontent leur vie. « Ah, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? » Aiko dit « Ah, ben tu sais, je suis devenu modèle. » Il parle de son copain, puis des affaires comme ça. T'es un peu des inepties de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aiko, pas Aiko, je veux dire, Poun Poun commence à avoir un genre de ressenti. face à ça, c'est comme, c'est juste devenu une fille normale. C'est ouais. pas comme la Aiko que moi je connais. C'est le début de, d'une sorte de désillusion. Ouais. Mais en même temps, tu sais, lui, Punpun, il est là puis il raconte. Il est dans le mensonge lui-même. Ben, lui-même. Ouais. Ouais, mais. Ouais. Mm-hmm. En train de dire, en train de raconter lui-même ses propres inepties. C'est ça. Ouais. C'est, drôle, c'est difficile de comme de décider d'aller dans une direction maintenant rendue là. Ouais. Punpun tanné d'attendre, obsédé. Lui, la manière dont il vit l'amour, c'est nécessairement par le désir sexuel. Il a passé proche de s'abandonner à une pulsion de viol avec sa petite copine qu'il avait à ce moment-là. Puis, c'est ça. Mais d'ailleurs, les premières, on ne l'a pas mentionné, mais les premières, la première expérience sexuelle de Punpun, c'est il se fait c'est un viol. Carrément violer par la conjointe de son oncle. Son oncle. Ouais. C'est comme ça que lui. Moi, je pense que c'est un traumatisme. C'est aussi formateur. Parce que c'est comme ça que lui conçoit la sexualité. Quelque chose qu'on prend. Ouais. Mm-hmm. Donc, pendant leur sortie, et ah, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout ça. Puis Punpun lui dit comment on va aller à l'hôtel. Ouais, c'est ça qu'on fait. C'est ouais. ça qu'on fait. Ce qui est immédiatement désillusionnant pour Aiko. Mm-hmm. Il y a une espèce de passage double qui se passe. Punpun, lui, là, il se dit comme dans sa tête, c'est ça que tu fais, genre, juste aller à l'hôtel avec un gars que tu viens juste de rencontrer, que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. En même temps qu'elle, elle demande, est-ce que tu fais ça avec toutes les filles que tu rencontres? Évidemment, pas évidemment, mais Aiko refuse les avances. Et c'est difficile à dire si c'est Punpun qui s'arrête, si c'est Aiko qui l'arrête. Mais ce qu'elle dit essentiellement, c'est qu'elle est déçue. Ouais. Il y a une déception. Ouais. Punpun va réaliser son échec lui-même. L'échec de s'être abandonné à ce mensonge-là. D'avoir versé dans la normalité. D'avoir désiré la normalité. Fin de la partie 2. À suivre dans la partie 3 avec des divulgations.